Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Comme maman. Hello, hello, bonjour et bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. On écoute en radio numérique sur le 99 FM dans la grande métropole lilloise ou encore via le site de la radio. Kimbo pour vous accompagner de 7h à 9h. Auparavant, c'était Tonton Jay, et son émission Back to the House. Il sera au rendez-vous samedi prochain dès 6h. Nous sommes partis pour 2h de musique électronique, 2h de mix. Dans la première heure, on va partir plutôt dans un style minimal tech house. Et dans la deuxième heure, ce sera tech house techno. Donc cet après-midi, j'irai faire un petit coucou dans l'émission de Chum que vous retrouvez de 15h à 17h, donc dans Virtual Paradise. Cette semaine, il va faire une spéciale de 13h à 17h. Il sera accompagné de Connie et de Jibo. Eux, vous les retrouvez dans leur émission Techno Chronique le mercredi de 22h à minuit. Et ils seront accompagnés de mon ami percussionniste Alex Core. Tout un programme. Donc écoutez bien Fréquence Club, tous les autres programmes et surtout soyez à l'écoute dès 13h. Donc si t'es au boulot, on te souhaite bon courage et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Science Club et 7h-9h, le son qui vous va bien. RTL Radio. Thank you. crafter du samedi matin. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. Bonne écoute. Thank you. Sur les ondes d'RPL. Thank you. les replays sur le www.fréquenceclub.com. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. Seat in the back, seat in the floorboards, clothes and blankets. La première heure de Fréquence Club s'achève, restez calés, on va partir maintenant dans une ambiance tech house techno. Bonne écoute, bonne matinée sur votre radio RPL. C'est la base, mec. n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.